Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bonjour, chers amis, bienvenue sur notre émission hebdomadaire Démocratie participative saison 1, épisode numéro 19. Et pour la première fois, on est en partenariat avec The Right Stuff, qui est donc la plateforme radio de l'alt-right US. Alors, avant de commencer, je vous invite immédiatement, si ce n'est pas déjà fait, à prendre note de notre adresse email où vous pouvez nous contacter. Démocratie participative, d'un seul tenant, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Démocratie participative, pas d'accent sur démocratie, d'un seul tenant, @mail.ru. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, je le répète tout le temps, mais c'est important. Et aussi sur notre page Facebook, suivez-nous, parce que comme ça vous recevez, comme d'ailleurs sur notre chaîne Facebook, vous recevez les alertes et comme ça, bah, vous pouvez partager le contenu avec vos amis. Alors immédiatement, je m'en vais présenter nos participants de cette émission. Fourni, il y a du monde. Porovic, comment vas-tu, Porovic ? Shalom alaikum à tous, ça va très bien, merci. Salut Astérix, comment ça va ? Salut, ça va bien. Je viens de me faire harceler par un gauchias, là, par un rouge, quoi, carrément. Arlette Laguiller, je ne savais pas qu'elle existait encore. Elle a ses troupes qui racolent comme les témoins de Jéhovah, là, au sortir des supermarchés. Donc voilà, ça m'a mis en joie, ça m'a fait passer un bon début de journée. Et puis, la suite va être belle parmi vous. D'accord, donc la France croule sous les nègres et donc il y a des communistes trotskistes qui font les grandes surfaces, ouais, c'est fascinant. Capitaliste, salut. Sans transition, on passe du communisme au capitalisme. Comment vas-tu, capitaliste ? Ah oui, je suis capitaliste. Hein. Bonjour à tous. Fulbert, le national-socialiste de l'émission. Comment vas-tu, Fulbert ? Fulbert, on va bien, merci. Bonjour à tous. Argyle, salut Argyle. Salut, bah, moi ça va très bien, comme un migrant logé dans un château. Ah, d'accord, ouais. Migrant du Nord, en terre nordique, hein. Captain America, comment vas-tu, Captain ? Bah, guten Tag à tous, ça va très bien, rien avant pour une nouvelle émission. C'est parti, Forwards. Warhawk, comme on dit par chez moi. Alors, première rubrique, autisme radical, indéboulonnable, j'ai eu l'occasion de le dire, bon, évidemment... Alors là, haut la main, hein, toute ligue confondue, elle a battu tout le monde. Fabienne Bussiau, sous-préfet du Pas-de-Calais, devant les chaînes d'information en continu, notamment BFM TV, à l'occasion, j'allais dire, du démantèlement de la jungle, où s'accumulent donc tous ces immigrés clandestins. Fabienne Bussiau explique, et d'ailleurs on va le mettre en audio hein, pour ceux qui nous écoutent, explique que les incendies qu'on a vus, hein, l'incendie généralisé de cette même jungle, de ce camp de migrants, en fait, est une tradition afghane, dit-elle. Hein. C'est une tradition de la population migrante, a-t-elle répété. Sur les incendies de cette nuit, pour nous, ce n'est pas une surprise. Hein. Nous avons l'habitude de ce genre de comportement des migrants, je le disais hier. Nous avons déjà des incendies depuis 2 semaines environ. Ça fait, on peut le regretter, mais ça fait partie des traditions de la population migrante de détruire leur habitat avant de partir. Ça veut dire aussi que vraiment, ils ont compris que le camp de Calais, c'était fini. Ils sont partis ou ils vont partir et avant de partir, ils détruisent leur habitat ou les commerces qu'ils avaient installés. C'est essentiellement les commerces qui ont brûlé cette nuit. Alors, chers amis, je veux tout de suite là, prendre votre... On est dans la rubrique autisme radical. Hein, donc on a, Saint-Jean, je veux de la réaction. Là. Vas-y, vas-y. C'est la Saint-Jean afghane, c'est ça ? Non, mais il s'agit de quoi, en fait ? Ils ont foutu le feu, c'est quoi ? C'est un feu, ils se mettent à danser autour ou ils foutent le feu aux baraques des autres ? C'est quoi le truc ? Ils crament tout, mais il n'y a pas d'explication. D'accord. Bon, c'est un incendie en plus qui est agrémenté quand même de violence puisque les pompiers ont été caillassés. Donc, ouais, y a tout un rituel aussi avec, il faut savoir. Il y a les bonbonnes de gaz aussi, il y a des agréments, enfin, il y a tout un truc. Hein. Alors oui, ça c'est assez, bon, du coup, c'est assez fascinant parce qu'on a là, on a, bon, je pense que pas mal de gens ont vu les images, mais on a cette préfète qui discute sur un ton badin, elle est même en train de rigoler. Oh, ouais, on leur a dit de ne pas incendier, ah, bah, ils font quand même. Bon, on a pris toutes les mesures quand même, etc. Donc en fait, un peu toutes les mesures pour regarder la catastrophe. Mais le truc de coutume, ça va parler, ça. La coutume afghane. Alors, ben, alors d'abord, moi, je suis désolé, mais dans le camp, il n'y a pas que des Afghans. Hein. Aux dernières nouvelles, il y a quand même un paquet de nègres, il faut quand même bien le souligner. Mais visiblement, maintenant, on vit au rythme des coutumes afghanes, voilà, et c'est un sous-préfet. Alors, quelqu'un m'a dit ça, c'est-à-dire que ce même sous-préfet discutait avec les chefs de clans afghans dans la jungle pour évacuer le truc. Oui, c'est comme les conseils des sages dans les quartiers, avec des vieux Africains qui prennent le rôle de sages dans certains quartiers émigrés. C'est eux qui sont les interlocuteurs avec les autorités. Les singes! Le singe savant, c'est ça. Ah oui, peut-être. Je ne sais pas si c'est ma langue qui a fourché ou la tienne, mais enfin bon, je pense que tout le monde nous a raconté. Non, enfin bon, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on a des représentants de l'État de droit, enfin normalement, qui donc interagissent avec des chefs de clans afghans, réchappés des montagnes, donc de l'Hindou Kush ou quelque chose de cet ordre-là, qui se livrent à des incendies, probablement après quelques tournantes. Et en fait, il y a une discussion très apaisée pour savoir, en fait, je présume, en fait, s'ils vont tout livrer au pillage final ou bien s'ils vont accepter de partir tranquillement dans les bus pour bien vouloir piller, mais piller, j'allais dire, à quelques centaines de kilomètres de là, très éloigné des caméras. Mais c'est incroyable. C'est assuré par la représentante du gouvernement, les mêmes préfets qui, d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler, mais les mêmes préfets qui jouent les chefs de caserne, intiment à la population de se tenir en rang d'oignon, le doigt sur la couture, de ne pas moufter aux moindres migrants qu'on installe dans leur commune, dans leur département. Je trouve ça assez fascinant de voir, en fait, la prime accordée à la racaille et aux sauvages venus de je ne sais quel pays, d'une part, et de l'autre, la population française qui paye ses impôts, qui regarde ça complètement stupéfaite et qui se fait rappeler à l'ordre des fois qu'elle aurait un propos déplacé. C'est assez extraordinaire. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose sur ce... Bah, disons sur que les fêtes avec du feu, ça se fait un peu partout dans le monde. Nous, on a les nôtres. Le feu, ça fait partie des quatre éléments. Pourquoi pas le glorifier une fois dans l'année? Simplement, pour ça, il faut le maîtriser, le feu. Nous, on le maîtrise depuis la guerre du feu, donc depuis... plusieurs dizaines de milliers d'années, eux, ils le maîtrisent depuis qu'on leur a donné une boîte d'allumettes il y a 25 ans. Donc, ils ont encore tout un apprentissage à faire. Mais pour l'instant, ils peuvent pas encore faire la fête autour du feu. Il va falloir attendre plusieurs dizaines de milliers d'années. Bon, il y a encore du boulot, quoi. Alors, bon, bah, sans transition, et toujours sur le rythme de Calais, toujours dans notre rubrique autisme radical. Comment dirais-je Alors là, c'est un article de 20 minutes. Et ça en dit long, parce que vous savez, ils sont dans la pédagogie. Maintenant, dans les grands médias, ils sont dans la pédagogie. Alors, je vous lis le nom de l'article, le titre. « Et si les migrants venaient sauver le foot des campagnes françaises ?» Voilà, ça commence comme ça. Alors, je vous lis des extraits quand même, parce qu'il faut quand même qu'on sache de quoi ça parle. Sans transition. « Allez voir emmitouflés dans les longues files d'attente, les menant au bus, difficile de détecter un quelconque potentiel. » Mais parmi les 6 à 8 000 migrants, selon les estimations, évacués de la jungle de Calais depuis lundi matin, on tient sans doute d'excellents tireurs de coups francs, quelques milieux défensifs de qualité et des défenseurs bien rugueux. Bref, des passionnés de foot, désireux de taper dans un ballon et pourquoi pas dans un des nombreux clubs français qui parfois n'attendent que ça. Là, il cite un intervenant. Ici, ils nous ont clairement aidés à nous relancer. Président de l'AS Belnav dans l'Allier, Dominique Perrandon, devait se résoudre depuis 7 ans à n'inscrire qu'une équipe de seniors malgré les 27 joueurs licenciés. C'est trop pour une, mais trop peu pour deux, explique-t-il. Début février, les premiers migrants arrivent dans le centre d'accueil de demandeurs d'asile, le CADA, de la petite commune Auvergnate. Le dirigeant, avec l'appui du maire, y voit un moyen de relancer son équipe B. Je le cite encore, « On a essayé en cours de saison dernière, mais ils n'avaient aucun papier à fournir, donc la fédération ne pouvait pas leur accorder de licence. explique Dominique Ferrandon. Là, on a fait signer 14, on en a fait signer 14, qui ont obtenu un titre de séjour provisoire en début de saison, dont certains jouent vraiment pas mal. Et samedi 24 septembre, la réserve de Belnave et sa composition franco-afghano-soudanaise est sortie de son hibernation, s'inclinant 4-3 contre les voisins de la montagne bourbonne. Alors, je vous invite à commander ce récit formidable. Astérix, ça parle de foot, ça c'est pour toi. Ah bah, il y a encore quelques mois de ça, ils jouaient avec les têtes de la garde rapprochée de Kadhafi, donc forcément les ballons européens, ça part tout droit, c'est plus facile à contrôler, ça doit leur sembler facile. Mais ça rejoint un sujet. De toute façon, à chaque fois qu'on parlera de foot, en gros, c'est le sujet central dans le foot moderne, c'est la France, nouveau marché des esclaves. Nouveau marché aux esclaves via le foot, quoi. C'est-à-dire qu'on est le pays où tous les Noirs, tous les Africains viennent essayer de s'incruster pour se payer une petite carrière. Et on a, et c'est ça qui est le plus dramatique, des dirigeants de clubs et des coachs européens, français, blancs, gaulois, qui misent sur ces gens-là. Parce qu'effectivement, ils sont très rentables, parce qu'on peut très vite en faire des joueurs relativement bon. À l'inverse, ouais, de l'européen, je précisais un truc là quand même, Astérix, parce que là tu parles vraiment du truc professionnel et tout. Là, on parle vraiment des pouilleux de Calais, tu vois, qui se retrouvent dans des clubs, des clubs communaux, tu vois. S'il y a le côté, en fait, ce dont tu parles, c'est vrai, mais là, c'est carrément au niveau de ta commune de 2000 habitants, tu vois. Et là, il y a un truc ultra flippant quand même. Hein, c'est-à-dire, tu vois, t'as l'entraîneur, tu vois, du club, tu vois, des mouettes de Saint-Bernard truc, tu vois, qui dit, oh putain, c'est excellent, j'ai de l'Afghan, du Soudanais, je vais pouvoir monter mon équipe B, je vais en mettre plein la gueule au village de Saint machin truc, là ça va donner, tu vois. Il y a quelque chose ça fait peur, hein, ça fait peur quand même. Et puis en faisant fi du fait que le mec ait déjà de la moustache alors qu'il joue chez les minimes, tu vois, parce qu'il y a aussi ce problème que les mecs n'ont pas de papier valable, donc on ne sait pas en quelle année ils sont nés. De toute façon, même s'ils avaient des papiers valables, ça serait des papiers valables africains, donc non valables pour nous. Et en gros, leur date de naissance, elle est à 10 années près, quoi. Donc tu peux te taper un mec de 14 qu'en a 24. Et là, le gars, forcément, il fait tout le terrain tout seul. C'est son épaule, elle est au niveau de la tête des autres. Donc quand il met un coup d'épaule, ça les fracasse directement au niveau du front, ses adversaires. Le mec, c'est Hulk chez les Lilliputiens, quoi. Et il arrive à 24 ans, forcément, il arrive à marquer ses 10 buts par match, quoi. Mais bon, il joue contre des gamins de 10, quoi. Donc non, mais moi je sais même pas comment ces petits coachs ne se rendent pas compte du problème, parce que je pense qu'il y a vraiment une grosse part d'hypocrisie chez eux. Parce qu'en plus, faut savoir qu'à chaque fois qu'ils prennent un migrant comme ça dans leur équipe, ça fera des blancs de plus qui n'intégreront pas l'équipe. Parce qu'une bonne famille normale de bons blancs, quand leur enfant de 9 ans leur dit « Ah, j'ai envie d'aller au club de foot », tout ça, la mère ou le père, il l'emmène au club de foot. Il voit qu'il y a que des migrants avec des os dans le nez et tout, il le ramène à la maison et il lui dit qu'il fera plutôt du ping-pong. Et puis c'est normal, on peut pas lui en vouloir, quoi. Donc à chaque fois que ces gros connards, et je leur parle s'il y en a deux, trois qui nous écoutent, à chaque fois que vous prenez un putain de migrant dans votre équipe, vous faites fuir deux, trois blancs. Et deux, trois blancs qui auraient eu une autre intelligence de jeu, un autre rendement sur le long terme. Mais bon. Intéressant. Arga, et à toi. Oui, alors deux remarques, une qui va être très rapide, puisque en fait Astérix a abordé le sujet, qui est en fait du trafic de date de naissance des joueurs africains. C'est pas parce que les Africains sont meilleurs au foot qu'ils trustent tous les clubs de formation français, c'est uniquement parce que leur date de naissance est trafiquée et qu'ils ont en général entre 5 et 10 ans de plus, et ça se retrouve à tous les niveaux du foot. Autre chose, alors ça concerne plutôt le monde professionnel, c'est aussi que les Africains sont beaucoup plus réceptifs aux anabolisants, aux stéroïdes et ce genre de choses. Donc une date de naissance trafiquée entre 5 et 10 ans, hein, de mensonges sur la date de naissance en règle générale pour que ce soit crédible, sauf qu'il y en a même qui quelquefois ça va presque même au-delà, et en plus une une certaine aptitude au dopage que n'ont pas forcément les autres races. Donc c'est uniquement pour ça que malheureusement la France est gangrénée en fait par toutes ces recrues africaines. Alors, concernant ces petits clubs qui soi-disant auraient trouvé une mine d'or dans l'arrivée de migrants, moi ce qui m'étonne, c'est que c'est assez compliqué en fait, même dans un petit club, de recruter d'autres joueurs, de recruter un joueur d'une autre équipe, parce que c'est conditionné par le fait de fournir des arbitres. En fait, c'est pas évident. En général, un petit club, même de 5e division départementale, peut pas faire autant de signer de nouveaux joueurs par an, parce qu'ils doivent compenser par d'autres choses. Donc là, d'un seul coup, qu'ils puissent en faire signer autant, ça veut dire que la Fédération française de football est passée outre ce qu'ils imposent habituellement aux petits clubs pour pouvoir intégrer 10 migrants d'un seul coup dans un club. Donc déjà 10 personnes qui n'ont pas d'existence légale puis qui sont entrées illégalement sur le territoire français. Et en plus, ils ont été au-delà des règles qu'ils imposent aux autres. Donc voilà, c'est clairement aussi une opération, à mon avis, de communication, et on peut compter sur la Fédération française de football pour participer à ce genre d'enfumage médiatique. À la négrification de la France. Grand ami de François Hollande. Non, précise. À la négrification de la France. Utilisons les termes. Alors, Hauptmann voulait réagir. Oui, alors je voulais reprendre les termes de Michel Platini, si je dis pas de bêtises, qui avait été nommé à la présidence de la FIFA. Hein, moi, j'aime pas le football, mais j'avais suivi ça parce que Platini avait dit le football de papa blanc et machiste, c'est terminé. Bah effectivement, hein, on le voit bien, c'est-à-dire que ça soit l'équipe de France ou l'équipe de pas mal de pays européens, de pays blancs, ou alors même des petits clubs, hein, petits clubs qui normalement sont censés avoir des populations locales et puis les faire jouer ensemble, créer un esprit de communauté, de partage, d'enracinement et compagnie. Bah effectivement, c'est du haut vers le bas, on est complètement négrifié, on est envahi par les nègres et les boucaques. Et voilà, et puis c'est tout simplement le remplacement de population de souche européenne qui se fait à vitesse grand V dans l'indifférence générale. Et lorsque les gens n'y sont pas indifférents, de toute façon, comme le dit bien Manuel Valls, ils trouvent l'État en phase 2. Voilà. Le foot est complètement en collusion avec le Parti Socialiste. Hein. Noël Le Graët est un grand ami de François Hollande. Hein. Il doit être dans le top 10 de François Hollande. Une immense pourriture, Le Graët. Oui, une véritable pourriture, cynique, vraiment la gauche caviar de merde. Et la gueule de l'emploi. Oui, il est de par chez moi. Ah oui, bah, y en a beaucoup dans le foot, des collabos par chez toi. Ouais. Le Gwen, on a une oui, pas oui, mal. Oui, oui. Je sais. Je fais les travaux, je réserve les bulldozers, je bosse. Alors, Le Gouen, il n'avait pas sorti une saillie sur les joueurs africains, il me semble. Bon, il s'était excusé après, mais c'était pas mal, Alors là, il y avait un truc, mais ça nous amène sur autre chose. Mais en réalité, parce qu'attention, les types sont quand même dans un truc, tu vois, genre, ils ont du gros pognon, ils ont des stats, ils bossent et tout à fond. Enfin, attention, c'est pas beaux-ardeux, le machin, tu vois, il faut être assez précis. Ils ont très bien vu que t'avais des races qui avaient des rendements autres sur certains postes, etc. Les types sont au jus, ils ont fait des mauvais choix, ils en sont au courant, ils en ont parlé entre eux. Il y a eu un gros coup de pute politique qui a été fait là-dessus, et effectivement, Le Gouen en avait parlé, mais là, si tu veux, c'est le tabou du tabou, alors qu'en fait, aux États-Unis, ça serait discuté très librement, probablement d'ailleurs avec des nègres autour de la table, et ça poserait des problèmes à personne, mais en France, si tu veux, on est dans la pudibonderie antiraciste. Malheureusement, je dois passer au sujet suivant, vous m'en voudrez pas. Point numéro 3 de notre rubrique « Autisme radical ». C'est assez caustique aussi, hein, je m'en vais vous le dire. Hein. Alors, la députée PS, donc de Loire-Atlantique, dans le pays nantais, Monique Rabin, arrêtez de rigoler, souhaite la bienvenue aux, je cite, « migrants inconnus ». Alors, cette députée s'est fendue d'une lettre, puisque effectivement, elle s'est pris aussi, enfin, son pays d'élection s'est pris une couche de nègres immonde, faut voir les tronches, hein. Les types ont le crâne plus long que large, enfin, c'est hallucinant. Alors je cite, je ne sais pas qui tu es, ni d'où tu viens, je ne sais pas ce que tu fais, la guerre, la faim, la torture, le souci des tiens confrontés à l'extrême pauvreté, je sais que forcément ce fut pour toi un déchirement absolu de quitter ta famille, ta maison, ton métier. Pour venir chez nous, tu as affronté la cupidité des passeurs, les mers, le froid, la rue. Certains Français chez nous trouvent que ta place est là-bas, sur les champs de bataille ou dans les bidonvilles. Plus triste encore, des Français ont oublié que certains des nôtres, comme toi, ont dû quitter notre pays pour échapper au train de la mort. Train de la mort ! Avant d'être accueillis par des justes, avec un J majuscule dans le texte, dans des pays qui leur ont ouvert les bras. Sache que ces Français-là ne reflètent pas l'âme de la France. Ces engagements divers sont cet autre visage de la France. Pour répondre à la haine qui a pu se manifester, sans naïveté, je veux te redire, à toi et aux tiens, que nous n'avons pas peur de vous. Vous êtes nos amis, nos frères, nos pères, des êtres humains, avec vos faiblesses et vos forces. Entendre que les migrants seraient forcément des criminels me fait horreur. Je voudrais au contraire vous aider à retrouver votre dignité bafouée sur les mers et dans les broussailles de Calais. À toi, migrant inconnu, je souhaite la bienvenue. Je serais heureuse de te rencontrer, de t'entendre, de partager. La fraternité créera, t'aidera, je l'espère, à surmonter les obstacles qui subsistent, car bientôt tu recevras des papiers actant la régularité de ta présence parmi nous. Commentaire, chers amis. Putain, mais c'est pas possible. Non, c'est une blague, en fait, Gandalf. C'est juste pour augmenter notre taux de haine pour l'émission. Je pense que c'est pas authentique, possible. C'est une blague, texte, pour c'est dans le texte. Je ne fais que lire la lettre du député. Tu nous le dis tout de suite. Hein. Alors, moi, je vais m'adresser aux migrants comme elle. Moi, je vais lui dire, moi, migrant, j'ai rien contre toi. Je pense que toi, tu dois rester toi, tu vois. Et pour rester toi, il faut pas que tu deviennes comme nous. Il faut pas. Or, la République, elle te l'impose. Tu les entends. C'est la même, cette même rabbin. Ses amis du PS ou ses amis du système disent qu'il faut devenir un bon républicain. Or toi, cher migrant, ton destin, c'est pas de devenir un républicain, c'est de danser autour du feu, de faire la guérilla. D'incendier ton camp avant de bouger vers une autre ville, quoi. C'est ça ton destin, faut quand même pas l'oublier. Ouais, et c'est un destin aussi noble que le destin que te propose Enfin, c'est un destin bien plus noble que le destin que te propose Madame Rabin. Parce que Madame Rabin, elle veut juste que tu ramasses ses poubelles et que tu gardes ses gosses pendant qu'elle est, non, pendant elle a sa petite partouze hebdomadaire. Non, elle a pas dit ça. Elle a dit qu'elle voulait partager. Elle a dit plein de trucs très positifs, Madame Rabin. Moi, je trouve que t'es très important. C'est une procès d'intention, c'est ça? Je trouve. Bah, les socialistes, ouais. Ils ont le cœur sur la main, enfin, autant que je sache, quoi. Enfin, moi, j'ai jamais vu leur cœur, j'ai jamais vu leur main. Enfin, bon, je présume, quoi. Quelqu'un veut réagir? Fulbert, toi, je sens que ça t'a séduit, ça. Oui, je dis, moi, qui ai un long nez assez mobile, comme ces animaux, les fourmiliers, là. Ben, je sais pas, d'abord, elle s'appelle Monique Rabin. Ensuite, dans sa lettre à l'immigré, elle parle de juste, de train de la mort, si je ne m'abuse, si je me souviens bien. C'est tout un langage. Il y avait même le violon yiddish. Hein. Ah oui, voilà, j'allais le dire, ça sent la synagogue à plein nez. Ou alors, je ne sais pas, une bouddhiste peut-être. Autant que je puisse en juger sur sa gueule, c'est une bonne socialiste, comment dirais-je, bretonne du pays nantais, bien dégueulasse, acariâtre, qui a rompu tout lien avec la sexualité en 1971, probablement, et qui est donc très... Alors, du coup, qui fantasme sur l'arrivée massive de nos Soudanais qui vont jouer dans le club de foot, je tiens à le rappeler. Qui peut-être pourront justement l'aider par rapport à ce problème de sexualité. Ah bah oui. Et je crois que c'est le projet, d'ailleurs. Hein. Je crois que c'est le projet. Quelqu'un va réagir sur cette lettre très, très, très, très belle, hein, je veux dire, c'est beau. Enfin, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit. Alors, j'ai pas été comme vous. Moi, je me suis pas dit c'est le Gorafi. Je me suis dit là, il y a de la générosité socialiste. Là, c'est le vrai parti. Face à autant de contre-vérités. Je dois réagir. Alors, voilà ce que ça m'inspire. Bah, c'est marrant qu'il fasse une référence à la Seconde Guerre mondiale parce que moi aussi, j'y ai pensé. Je me suis dit quand même, décidément, la gauche et la collaboration avec l'ennemi, c'est vraiment une tradition, quoi. Tu penses à qui? À Laval? Ah bah, je pense à des grands noms du Parti Socialiste de l'époque, bon. Tu penses aux pleins pouvoirs qui ont été votés par une chambre socialiste? Non, mais je ne comprends pas. Je pense à certains pacifistes qui aimaient pas trop la guerre, qui aimaient les bisous, et qui ont collaboré très très fort. D'ailleurs, elle y est née à Laval, hein, donc... tu vois, il y a des liens. Bon, je sais pas, on est trop bon pour ce genre. Vas-y, excuse-moi, face à autant de contre-vérités, je vais dire, en gros, elle se pose comme elle descend directement de Moïse, elle a la bonté divine en elle, et puis ceux qui pensent pas comme elle sont des méchants mangeurs d'enfants. Enfin, on est tellement dans le caricatural que là, il faut tout reprendre depuis le début, hein. C'est-à-dire que les gens comprennent bien quand même que même si les Européens, là, les Français, en ont ras le cul parce que sur leur territoire, ils se font envahir et tout ça, donc ils se laissent aller, ce qui est tout à fait normal, au rejet de l'autre, puisque l'autre n'est plus vraiment l'autre, quoi. Qui est un véritable autre, ça serait un autre sur un autre territoire, ça serait quelque chose complètement différent. Là, l'autre est en même temps un petit peu le même, parce qu'il est sur notre territoire, il est dans l'école de nos gamins, donc c'est plus vraiment l'autre. Il faut savoir le démonter, parce que logiquement, il est très facilement démontable. Pour aimer l'autre, il faut que l'autre reste l'autre. Et pour que l'autre reste l'autre, il ne faut pas que l'autre devienne nous. C'est aussi simple que ça. Donc nous, on aime l'autre. Enfin, je ne dis pas que tout le monde, hein. D'ailleurs, moi, je n'ai aucun problème avec les gens qui n'aiment pas l'autre. Mais moi, personnellement, même les tribus les plus primitives m'intéressent en reportage. Je regarde des reportages sur les tribus primitives. Simplement, pour que ces tribus primitives restent primitives, il ne faut pas essayer de leur mettre des bouquins de grammaire entre les mains, il ne faut pas essayer d'en faire des nègres à lunettes, parce qu'après ça va vous donner des Lilian Thuram, c'est-à-dire ça va vous donner des singes savants, ou des sages savants, comme là-bas à Calais. Oui, ça va vous donner une caricature. Alors, Astérix, je suis regret de te dire que tu as malheureusement incorporé les éléments de langage de nos adversaires. Il n'y a pas de rejet de l'autre en France, que ce soit dans les faits ou que ce soit dans les éléments de langage. S'il doit y avoir quelque chose, c'est une volonté de préserver les siens. On peut dire que j'encule les mouches, mais c'est super important de ne pas utiliser les éléments de langage de nos adversaires, parce que ce faisant, nous continuons à propager leurs idées. Par exemple, ce ne sont pas des migrants, ce sont des immigrés clandestins. Ce n'est pas un rejet de l'autre, c'est une volonté de se préserver. Voilà. Sinon, après, effectivement, je suis d'accord après, avec toi. Après, là-dessus, tu vois, c'est vrai ce que tu dis, mais il y a un célèbre. J'ai oublié son nom d'ailleurs, il faudrait que je remette la main là-dessus. Ça vaut le coup d'ailleurs d'y revenir dans une émission ultérieure. Mais il y a un théoricien gauchiste d'origine juive qui a beaucoup réfléchi là-dessus dans les années 60, et ça s'est avéré très, très efficace. Il a dit, en fait, un truc, il a dit, il faut se réapproprier les mots de l'ennemi, tu vois, pour les subvertir. Et quelque part, aujourd'hui, migrant, c'est devenu une insulte, quoi. C'est-à-dire que quand tu utilises le mot migrant, tu vois, c'est au début, c'était très compassionnel, tu vois. Le mot migrant, ah, ils migrent, on ne sait pas trop où ils vont, mais ils migrent, quoi, tu vois, comme les oiseaux, quoi. Et aujourd'hui, tu vois, grâce à des gens comme nous, ont le cœur sur la main, évidemment, eh bien, les choses avancent, et maintenant, aujourd'hui, migrant, tu vois, c'est pas aussi positivement connoté que jadis, quoi, tu vois, donc, il y a le signifié et le signifiant, tu vois, et je trouve que c'est pas aussi catégorique que ça, mais ceci étant dit, bien évidemment, ce que tu dis, vaut le coup d'être médité, quoi, à n'en pas douter. Alors, les gars, on passe à notre rubrique suivante. Délicieuse, délicieuse, vous allez aimer. Alors, rubrique numéro 2, les gauchias de la semaine. Pourquoi les? D'habitude, c'est le ou la. Ben, je m'en vais vous le lire tout de suite. Quimper, les faïenceries Henriot créent une Marianne Noire pour soutenir l'immigration. Je cite l'article, hein, de Quimper, à côté de Quimper. Non, c'est comment ça s'appelle ça? Du côté de Quimper. L'artiste Yannick Cohoner et Jean-Pierre Le Goff, le patron de la faïencerie Henriot à Quimper, se sont tout de suite entendus autour de la création d'une nouvelle statue de Marianne. Leur première rencontre remonte à l'été 2015. Cette collaboration a débouché sur l'édition d'une Marianne couleur chocolat. Chocolat! C'est aussi un signe supplémentaire de la liberté revendiquée par le patron de la manufacture, réaliser une Marianne noire, qui plus est, à partir d'un prototype en trois dimensions, est une première en France. Cette fois-ci, Yannick Cohoner revendique pleinement cette nouvelle version de Marianne, elle ne devrait pas laisser indifférent. Et là, on cite le réalisateur. Ce serait formidable qu'elle suscite des réactions, ça c'est gagné. Cette Marianne est tout sauf une femme blanche et catholique. Cette figure incarne aussi les valeurs de la citoyenneté qu'il est bon de réaffirmer en cette période. Réaction, chers amis. Alors ouais, si je dis pas de bêtises, il me semble aussi que les auteurs de cette de ce foutage de gueule ont dit que la France n'était ni blanche ni catholique. Ben en fait, t'as entendu ce que j'ai dit, c'est-à-dire que, enfin, je vais reciter le truc. Hein, dit, ce serait formidable qu'elle suscite des réactions. Cette Marianne est tout sauf une femme blanche et catholique. Cette figure incarne aussi les valeurs de la citoyenneté qu'il est bon de réaffirmer dans cette période. Donc le type t'explique, voilà, c'est bien parce que Marianne, donc qui représente la République française, la Marianne qu'on a réalisée est une négresse. Et c'est très positif parce que précisément, c'est pas une blanche, c'est pas une catholique, et que la France, disent-ils, quoi, n'est pas blanche ni catholique. Donc, quoi de mieux qu'une négresse pour incarner la République, sur quoi je suis parfaitement d'accord, d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il n'y a rien de scandaleux aujourd'hui, en 2016, que la République soit incarnée par une Marianne au trait africain. Mais bon, on voit que même ils ont même la volonté de souiller leurs symboles, même les symboles républicains, c'est une volonté de souiller, parce que la volonté c'est de choquer aussi, on se parle de choquer, disons, de dire regardez, même les symboles républicains, eh ben on va les africaniser. Donc ça, on peut compter sur les éléments les plus tarés, les plus dégénérés pour ce genre de choses. Donc là, c'est un processus normal avec il y a toujours des avant-gardistes quoi qui sont prêts. Donc c'est sûr que nous en tant que nationalistes on se sent peut-être pas trop touchés, mais voilà, ils seraient capables de démolir la statue de Jeanne d'Arc ici ou là pour mettre une africaine à la place. Enfin voilà, l'objectif c'est toujours de souiller, de démolir tous nos repères, tout ce qui a trait à notre identité, et on peut faire confiance en général aux gauchistes bretons. Malheureusement il y a un nid là-bas et je pense qu'il y aura du ménage à faire, un de ces quatre. Ouais. Alors moi, j'allais demander, je veux juste réagir là-dessus. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que même l'imagerie républicaine, qu'on connaît, enfin institutionnalisée avec les statues, etc., est très arienne, parce que, je veux dire, c'est toute la... En fait, c'est un ressuscité de statuaire grecque ou romaine. Il y a rien de très choquant là-dedans, d'ailleurs, indépendamment de ce qu'on pense du fond idéologique, hein. Mais c'est vrai que Marianne, jusqu'à très récemment, était représentée sous des traits très conventionnels, une statuaire de type grec, etc., enfin, ce qui n'est rien de choquant, mais qui est même plutôt valorisant. Et là, effectivement, on se met à faire, enfin, voir la statue, hein, c'est un truc qui ressemble à E.T., hein, c'est E.T. Enfin, c'est assez fidèle à la réalité, d'ailleurs, hein, c'est une négresse, une tête de négresse avec des yeux énormes, c'est assez horrible, repoussant, d'ailleurs. Oui, son nez est pâté, enfin, c'est terrible, mais ça représente bien la gueuse. Alors, pour en venir aux gauchistes bretons, c'est vrai que ces mecs sont des gros tarés, d'ailleurs, la Bretagne socialiste, est en elle-même une Bretagne dégénérée, mais je tiens à souligner que les faïenceries Henriot, pour en revenir au sujet, parce que pas les faïenceries Henriot. Faïenceries Henriot, c'est une très vieille maison. C'est une maison qui a été fondée à la fin du XVIIe siècle. C'est une maison qui a un grand nom de la faïencerie, et qui, a très longtemps, prolongé justement toute une imagerie, alors certes populaire, même volontairement parfois naïve, mais de la vie bretonne classique, le paysan breton, comme on dit, en bragoubras, alors donc avec son pantalon typique, son chapeau typique, etc. Mais c'était populaire, ce qui était assez prisé justement de la clientèle qui aime, hein, en fait quelque chose d'assez enraciné, d'assez traditionnel. Et là, rupture complète, parce que non seulement on se projette dans quelque chose de complètement politique, parce que là c'est carrément Marianne, symbole politique, mais en plus on politise le symbole politique, c'est-à-dire qu'on en fait des tonnes. Alors là, vas-y, de la négresse, et en plus le style se voudrait, soi-disant avant-gardiste, transgressif, parce qu'on ne fait pas une Marianne, mais on fait une Marianne, même pas nègre au sens réaliste de l'approche, on fait une Marianne négrifiée et stylisée, dans le type nègre. Ce qui nous donne une énorme bouse que le dernier crasseux... Oui, le dernier crasseux Arastat aurait signé un soir de MDMA trop prononcé. La même chose, quoi. C'est assez terrifiant parce que c'est quand même la maison Henriot qui, à Quimper et un peu au-delà même, est très connu. C'est un naufrage. Bon, voilà, c'est terrible pour l'héritage même, j'allais dire, de l'art populaire breton, mais même européen. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui remonte à très loin, quoi. Alors en fait, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. J'ai bien retrouvé la référence que je cherchais. Donc dans le télégramme section Finistère Quimper, on a donc une Marianne anticommunautariste. Yannick Cohoner se défend de toute provocation pour cette, entre guillemets, Marianne anticommunautariste, conçue cela fait un an. Entre guillemets, il y avait pas mal de choses racistes. La parole qui se libère. Je me suis dit que c'était une urgence. Fin des guillemets, explique-t-il. Entre guillemets, la France est tout sauf une blanche catholique. C'est un pays athée. La Marianne est un super symbole. Être noir, ce n'est pas quelque chose d'exotique. Ce n'est pas être un citoyen à part. Il a le droit d'être représenté. Marianne, c'est l'abolition de l'esclavage. Fin des guillemets. Alors en fait, donc, moi ce qui me choque là-dedans, c'est que déjà, il mélange la France, la République, l'ethnie qui peuplait, enfin l'ethnie, la race qui peuplait justement la France, donc les Blancs. Et il ne connaît même pas l'histoire finalement du pays qu'il est censé, enfin, auquel il appartient. Parce que je veux dire, surtout les Bretons qui sont très catholiques, lorsqu'il dit que la France est tout sauf une blanche catholique, où il était. Je veux dire, non, c'est la République est laïque, et donc, bah oui, aussi un peu athée, bien sûr, mais la France, elle, a toujours été catholique. Je veux dire, la France, depuis sa création, est catholique. La Gaule ne l'était pas, mais la France l'est. Si tant est que le peuple ait de l'importance, parce que ça fait, eux, ils parlent peut-être des élites, et peut-être que les élites, ça fait déjà un bail, ça fait déjà plusieurs siècles qu'elles sont complètement déchristianisées, quoi. Non, mais le truc, c'est que à quoi assiste-t-on ? Nous assistons à des choses qui étaient très nobles, très respectées, qui n'étaient pas politiques, qui étaient populaires, qui transmettaient une tradition, qui se fait subvertir par les socialistes, les marxistes et les ligues les plus avancées du jacobinisme républicain pour en faire, j'allais dire, des instruments, des vecteurs de l'idéologie dominante, c'est-à-dire de la négrification complète, non seulement de la France, mais de tout ce qui peut ressembler à quelque chose de blanc et d'européen. C'est proprement scandaleux et terrifiant, et ces gens-là méritent pas le meilleur, c'est ce que je peux dire. Bon, voilà. Passons à notre rubrique suivante. Il faut y aller, les gars, même si on a envie de dire pas mal de choses sur ces gens-là. Rubrique numéro 3, élection pestilentielle 2017. Ensemble, chers amis, discutons un petit peu des dernières évolutions. Sarkozy confirme vouloir voter Hollande. Je cite l'ancien président de la République et candidat. Je ne veux pas de Marine Le Pen à la présidence de la République française. Je le cite toujours. Les électeurs feraient ce qu'ils voudraient, mais moi, dans tous les cas, je ne voterai pas pour Madame Le Pen. Je ne veux pas de Madame Le Pen à la présidence de la République française. Cela conduirait à l'explosion de l'Europe, à un isolement de la France dont nous n'avons pas besoin. C'est une réaction assez stupéfiante à ce stade de l'élection, parce qu'en fait, nous avons un Sarkozy qui, en fait, bah, en déclarant ça, dit simplement, bah voilà, moi ou Hollande, c'est la même chose. Donc, si vous voulez voter Hollande ou moi ou Juppé, bah c'est pareil, c'est le même brouhaha, etc. Assez incroyable. Votre réaction là-dessus? Il pourrait tout à fait dire que dans ce cas de figure, il s'abstiendrait. C'est pas le cas. Il dit qu'il serait prêt à voter pour Hollande. Bon, ça en dit long, hein, sur le degré de collusion de ces gens-là. Voilà. Bon, le FN à l'époque parlait du MPS. Bon, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ce qui est très étonnant là-dedans, c'est qu'en ce moment, Sarkozy est dans une campagne. Il n'est pas dans la campagne présidentielle encore. Il est dans la campagne des primaires de l'UMP, des Républicains. Et dans cette primaire, son public, les gens qui sont destinés à voter, à lui donner leur voix, ce sont les gens assez proches du FN, sur le plan des idées en tout cas. Et là, on dirait qu'il sacrifie parce qu'il a reçu des ordres, ou parce qu'il a avalé sa tartine de travers, parce que il y a sa gauchiasserie cosmopolite qui remonte à la surface. D'un seul coup, il oublie tout le travail qu'il est en train d'accomplir depuis 2-3 mois avec une déclaration. Il met tout à la poubelle en une déclaration. Parce que là, ses électeurs, ils vont se dire, surtout, Et qu'il n'y a aucune différence entre lui et Juppé. Parce que ce que ses électeurs se disaient, c'est que bon, lui, il représente la vraie droite et Juppé, il représente le centre. Ben là, non, ils se rendent compte que les deux sont des espèces de centristes du système, des espèces de girouettes qui répondent juste aux ordonnances des lobbies. Enfin, alors, à part, permets-moi juste de couper, mais tu reprends après. Sauf que Juppé, il a un avantage, c'est qu'il peut dire « Moi, vous ne m'avez jamais essayé ». Ah bah oui, non mais en plus, lui avait beaucoup de défauts au départ, il avait qu'une qualité, c'est qu'il incarnait une ligne, à mon avis, bien plus populaire que celle de Juppé. Parce que Juppé n'incarne rien au niveau du... Il y a personne dans le peuple qui se sent animé, qui se sent vibré quand il écoute Juppé. Alors qu'il y a des petits trous de balles très naïfs qui se sentent vibrés quand ils écoutent Sarkozy, parce qu'ils se sont des poissons rouges, ils ont oublié 2007, ou peut-être qu'ils étaient trop jeunes en 2007. Ça aide des étudiants en droit ou je sais quoi, ou je sais pas quoi, enfin des petits mecs de 23 balais qui se laissent emballer par le virage sécuritaire et tout ça que Sarkozy propose quoi. Et là le mec n'a plus rien à opposer à Juppé. Juppé n'a que des qualités par rapport à lui, à part peut-être le casier judiciaire, puisque Juppé a un casier judiciaire encore plus rempli que celui de Sarkozy. Qui, selon les dires de Sarkozy, serait vierge. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal. Moi, je trouve ça très fascinant parce que vous savez que dans le monde musulman, on peut s'acheter une virginité, voire se refaire l'hymen. Dans le monde démocratique, on peut se refaire une virginité en fait en ne passant jamais devant un tribunal, tout en étant un pourri complet comme Sarkozy. Donc en fait, ça veut rien dire un casier judiciaire. Ouais, et en fait, c'est des guerres contre des pays souverains, mais tout se passe bien. Ouais, ça c'est bien. Ça, c'est la question que je me posais, au fait, quand j'ai entendu sa déclaration. Je me suis demandé si, en misant sur la réélection donc du PS, il ne protégeait pas ses arrières aussi. Parce que, dans les gens de notre bord, il y a quand même beaucoup de gens qui souhaiteraient que ces élites-là soient vraiment traînées devant les justices, devant les tribunaux, voire qu'on s'en occupe nous-mêmes, en fait, parce qu'on est quand même très nombreux à savoir que Sarkozy et sa grosse brunie, c'est quand même le métissage, l'apologie permanente du métissage, là, comme en 2008 à Massy-Palaiseau devant les élèves de Polytechnique, c'est la diversité imposée de force par l'État. Son discours et sur toutes les vidéos YouTube, on peut le trouver. C'est aussi l'agression de pays souverains, hein, comme la Libye, hein, de Kadhafi. Je pense que ce mec-là, il doit flipper quand même. Ah ouais, c'est une bonne théorie. C'est-à-dire qu'il a énormément de casseroles au cul qui sont de très grosses casseroles. Et bon, là, on rentrerait dans la spéculation pourquoi, comment, et pourquoi Israël. Je pense que. Mais c'est étonnant, sa déclaration est étonnante, Gandalf. En fait, c'est le moment, c'est pas tellement la déclaration, parce qu'on sait très bien de toute façon qu'il aurait tapiné pour n'importe qui sauf le Front National, mais disons, c'est le moment. C'est très curieux qu'ils choisissent maintenant le truc en disant « Ouais, bah finalement… » Parce que les types se démobilisent instantanément, c'est-à-dire ils disent ah bah non, en fait, ça va même pas être le Nini, c'est même pas la troisième voie, quoi. C'est-à-dire, c'est même pas la… Non, bah non, en fait, il va appeler Hollande, en plus, Hollande, tu vois, genre… L'ennemi juré de son électorat potentiel. Quoi. Alors, moi, j'aborderai sa déclaration de manière assez différente de vous, dans le sens où, déjà, d'une part, il réagit sur une situation qui n'arrivera pas. C'est-à-dire, il n'y aura pas Hollande-Marine Le Pen au deuxième tour. Bon, déjà, d'une part. D'autre part, je crois que son objectif, vu qu'il veut taper dans l'électorat FN, vu qu'il sait que l'électorat de centre-droit est capté par Juppé, là, dans le cadre des primaires, ce qu'il est toujours dans l'optique des primaires. Et lui, ce qu'il veut capter, c'est l'électorat FN. Donc je pense que sa réaction a plus été de dénigrer Marine Le Pen, de se présenter, lui, comme le défenseur de la vraie droite presque identitaire, en expliquant qu'il préfère encore Hollande à cet incapable de Marine Le Pen. Je crois que l'objectif de sa déclaration, c'était ça. Ce qu'il aurait très bien pu aussi ne pas répondre. Et là, vu qu'il est dans un objectif de rechercher des voix pour pouvoir gagner la primaire, des voix à droite, et même des voix auprès de l'électorat FN pour qu'ils aillent à la primaire et qu'ils votent pour lui, hein, et c'est son seul moyen de gagner la primaire, c'est que des électeurs habituellement FN ou même actuellement FN aillent voter pour lui lors de la primaire. Et donc je pense que son objectif, c'était de dénigrer Marine Le Pen auprès de l'électorat droitier qui vote Marine Le Pen faute de mieux. Non, Donc je pense qu'il a dû aborder cette question de cette façon-là plus que par le fait de dire surtout pas tout sauf le FN. Enfin, moi, une façon de dire aussi. Je suis pas d'accord avec ça parce que pour une simple raison, c'est que tu ne peux pas attirer un électorat qui est séduit par Marine Le Pen en la dénigrant, par définition. Tu ne peux séduire cet électorat qu'en disant pas du bien de Marine Le Pen, parce que ça, évidemment... Si, son électorat par défaut, parce qu'elle a aucune concurrence à sa droite. Donc c'est justement Sarkozy, en fait, d'essayer de passer à droite de Marine Le Pen. Non, il n'y a pas d'électorat à la droite du FN. Tout le monde va voter Marine Le Pen. Tous ceux qui veulent s'opposer à l'immigration de masse vont voter Marine Le Pen ou vont s'abstenir. Ça, c'est clair. Pas forcément l'électorat perdu de l'UMP des Républicains. Eux, il y a encore moyen d'aller les chercher. Pas l'abstentionniste qui a toujours voté Le Pen. Mais par contre, l'électorat perdu des Républicains, c'est possible. Si tu veux mobiliser ta droite, il n'y a pas de choix, tu dois taper sur la gauche. C'est le seul truc qui te fasse gonfler, quoi. Et le mec, quand tu dis « je vais voter Hollande face à Le Pen », ça veut dire « je me rallie à la gauche ». Il n'y a pas moyen que tu gonfles. Non, mais je dis pas que c'est à droite, donc ça part. Le seul truc que je peux voir aussi, c'est que après il y a Capitaliste qui veut intervenir sur Marine Le Pen, mais je voulais dire une petite chose, c'est qu'il peut vouloir dire que en gros Marine Le Pen n'a aucune chance, puisque si vous me virez, moi, et que c'est la gauche contre Marine Le Pen, même moi qui suis l'aile droite de l'UMP, j'inviterai à voter Hollande. C'est vous dire, totalement elle est incapable, tu vois, un espèce de... C'est-à-dire, il se croit plus crédible que ce qu'il n'est en réalité aux yeux des gens, et il doit penser que sa parole va encore pouvoir les influencer comme elle le faisait en 2007, suite à son hyper-médiatisation, sa mise en avant. Enfin, à l'époque, ouais, il était vraiment flamboyant, quoi. Capitaliste. Ouais, une dernière chose, effectivement, de toute façon, c'est une erreur de base. Enfin, Sarkozy, il est quand même nul en stratégie. Il faut jamais se mettre en position de perdant. Et qu'il accepte de répondre, c'est une erreur de débutant. Je comprends même pas qu'il tombe là-dedans. Et puis, il faut quand même parler de l'électorat UMP. Enfin, moi, l'année dernière, j'avais assisté à plusieurs meetings de partis politiques. J'ai jamais vu autant de retraités de ma vie que quand j'étais au meeting UMP. C'était incroyable. 70% des retraités en France votent UMP. 70%, ça fait un nombre considérable. Il n'y a que des retraités, en fait. C'est-à-dire, le plus jeune, il aura des bourgeois. 30 ans dans la salle, quoi. Ouais, je pense que c'est assez... je suis assez d'accord avec ça. Chers amis, on fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour le débat vraiment de cette semaine, qui est l'anarchie migratoire. On est revenu souvent sur Calais, mais bon, les images parlent d'elles-mêmes, les gens l'ont vu, on peut pas faire l'impasse, quoi. Donc on revient sur Calais tout de suite après la pause musicale. Le jour c'est caissière, pas grand chose à faire. Attendre le week-end, s'envoyer en l'air. Tu vis dans sa tête, un cerveau d'insecte. Comme toutes ces filles-là, elle attire les rats. Les blancs ont cédé, perdu la bagarre. Les singes ont gagné, c'est leur territoire. Le mélange des races qui ne la choque pas fait pleurer maman. Tabou. est bien loin, aucun blanc ne la touche. Dis-moi les années à se faire enfiler, et jour après jour, l'envie qu'on la bourre. Ses rêves, ses désirs, des singes, des gorilles, pour notre descendance, c'est inadmissible. Et sous 20 ans d'intense métissage, bilan sans mystère. Voici pour cette deuxième partie de Démocratie participative, épisode numéro 19 de cette première saison. Et alors, c'est le sujet incontournable de cette semaine. C'est évidemment le démantèlement supposé de la jungle de Calais, démantèlement spectaculaire. Hein. Je pense que tout le monde en convient. Enfin, image absolument incroyable, les flammes qui éclairent le ciel. Avec des bandes de nègres qui s'étendent à l'horizon, des flics qui sont malmenés, des policiers qui essaient de contenir tant qu'ils se peuvent les masses, des files d'attente pour remplir les bus, le sous-préfet, on en a parlé, on va pas revenir, la presse, hein, qui nous fait du roman, on nous fait du roman là-dessus. Hallucinant, personnellement, j'ai trouvé ça complètement hallucinant. Très peu reporté à l'étranger, j'aime autant vous le dire, à l'exception de la Grande-Bretagne, qui en a un petit peu parlé, mais à l'étranger, silence total, silence de plomb. Je vous le dis, faut que les Français le sachent. Alors, à brûle pour point, je veux que vous me disiez comment vous avez vécu ce truc hallucinant, quoi, enfin, ce qu'on a vécu toutes ces semaines, hallucinant. Dites-moi ce que vous pensez, dans l'ordre, hein, enfin dans l'ordre ou dans le désordre, mais prenez la parole, moi je donnerai à tout le monde. Quelqu'un veut-il parler en premier sur ce qu'on a vu, hein, les scènes, hein, vraiment les scènes dehors. Les scènes étaient assez chaotiques, apocalyptiques, surtout avec le feu coutumier issu des us et coutumes des Afghans. C'est vrai que c'était assez chaotique, et puis après tous ces Africains qui ont pris des cars et qui sont arrivés un peu partout dans la France rurale et profonde, imposés par le gouvernement socialiste, c'est vrai que ça avait quand même une image. Là où c'était vraiment top, c'était à Croisy, dans le Pas-de-Calais, où les Africains sont arrivés sous les applaudissements des responsables d'associations locaux, non pas des habitants, hein, mais évidemment la place locale. Essaie de faire croire que c'était des habitants. Non, c'était juste des associatifs dégénérés, comme on trouve un peu partout, qui applaudissaient les noirs, les socialistes. Au regard pétillant de malice, là où on voyait rien qu'à leur gueule, leur cul en dessous de 60. Enfin, c'était quand même assez hallucinant. Mais donc, au-delà de cette ventilation d'Africains sur tout le territoire et dans la France rurale, j'ai quand même une petite pensée pour les Calaisiens, qui provisoirement quand même vont être soulagés, parce que c'est une opération politique et médiatique du gouvernement socialiste, en fait, de démanteler Calais, un peu comme quand Sarkozy avait démantelé Sangatte, c'est-à-dire qu'ils sont allés s'installer ailleurs, mais là, pour l'instant, Calais est soulagé. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point, j'habite pas Calais, mais je ne sais pas, il y en a quand même beaucoup moins, il y a des milliers qui sont partis, qui ont été placés, je sais qu'à Paris, apparemment, c'est en train d'arriver en conséquence, mais pour l'instant, j'ai une petite pensée pour les Calaisiens qui peuvent souffler après avoir été squatté par des milliers d'Africains haineux et conquérants et qui sont venus jusqu'à chier dans leur jardin, mais vraiment chier dans leur jardin. Et quand un migrant avait envie de chier, bah, il s'arrêtait là où il avait envie et il faisait. C'est du vécu par des Calaisiens. Ils ne pouvaient même plus laisser le linge sécher parce qu'il leur piquait les culottes. Enfin, non, mais ils en étaient là, donc je pense quand même qu'ils vont pouvoir souffler un peu. Par contre, il y en a d'autres qui vont prendre leur relais un peu partout en France. Alors, moi, ce que je veux dire sur cette scène, tu l'as bien résumé, hein, Argyle, hein, c'est vrai que la population a énormément souffert de cette présence pendant des années, et il faut pas se payer de mots, quoi. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ça va se reproduire. Le flot n'arrête pas à Menton, à la frontière italo-française. Et ça, je le tiens de douanier. Le flot de nègres n'arrête pas. Et je veux dire, c'est comme tout flot, comme de l'eau. Ah oui, oui, non, ça va s'accumuler toujours à Calais. C'est-à-dire, ça ne va pas changer. C'est un effet cosmétique. D'autant plus que les autres qui voient des images de noirs, d'Africains logés dans des châteaux, envoyé à la campagne, et aussi ces images immondes de gens d'associatifs qui applaudissent quand ils descendent du car, mais quel encouragement pour tous ceux qui sont encore au fin fond de la brousse. C'est-à-dire, mais allons-y, on y va, allez, Mamadou, fais ton sac, on part, on va là-bas, regarde comme on peut aller tranquillement, ils nous accueillent les bras ouverts, on va pouvoir baiser leurs femmes, on va pouvoir profiter des aides sociales. Les images que ça donne, ce relogement dans des palaces parfois qui est médiatisé, dans des palaces de migrants, de clandestins, d'Africains qui sont arrivés là, et évidemment que ça ouvre les portes. Il y en a qui vont se précipiter pour venir en France, en particulier en France. Alors là, je tiens à souligner ce que tu dis. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on est à l'ère du smartphone offert par les Blancs à toutes ces masses, inertes de l'Afrique, qui vont bientôt représenter des milliards d'estomacs travaillés par la faim, n'est-ce pas ? Et ces gens qui, bien que crèvant la dalle, auront quand même un smartphone entre les mains, vont voir quoi ? Des Blancs, en France, applaudissant les nègres qui auront fait quoi ? Simplement se déplacer. Donc ils se seront cassés le cul à arriver jusqu'à la France, et ils vont dire « Mais on est applaudis comme des libérateurs, on est applaudis, on est accueillis, c'est grave, ils nous mettent des bus, ils nous mettent des logements, etc. » Les types arrivés dans la brousse, les mecs avec là on dit 72 QI, faut pas être trop généreux, quoi. Là, les mecs, c'est 52 QI bien épais, quoi. Les types disent, oh là là. Tu sais que là-bas, c'est 72 QI de moyenne, donc forcément, ouais, il y a des gens avec 55-62 QI. Hein. Donc ça, les mecs disent, oh là là, oh là là, ils applaudissent quand on arrive là-bas, là, il faut y aller tout de suite, là, oh là, on va courir. Toi, et toi, fais le paquet, on court, c'est parti, on y va. Le truc de fou. Magnifique. Mais ça paraît fou, mais les types, ils reçoivent des images sur leur rétine. Des images sur leur rétine. Ils se disent, on est applaudi. Ils disent, mais c'est incroyable, c'est le miel coule, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive, tout est offert, et en plus, on nous remercie d'être arrivés. C'est-à-dire, l'impact est délirant sur ces masses abruties. Et on parle de centaines de millions de gens qui ont des smartphones, qui se repassent les trucs sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont quand même bien cons, mais pas suffisamment pour pas savoir se faire passer. J'ose pas imaginer les dégâts à la clé, quoi. C'est hallucinant. Ce qui est marrant, c'est que d'habitude, tu sais, les gens d'habitude qui se baladent un peu partout dans le monde et qui sont idolâtrés quasiment comme des dieux vivants, c'était habituellement les Blancs. Parce que justement, de par leur haute technologie, souvent ils étaient vus presque comme des gens venant d'une autre planète, enfin comme des gens ayant une connaissance secrète des choses auxquelles ces peuples-là n'avaient pas accès. Donc on était vus comme... Et encore aujourd'hui, il y a pas mal d'endroits où si tu te trimbales, il y a des gens qui veulent te toucher, mais pas pour te faire les poches, hein. Ils veulent te toucher pour toucher un peu, tout, avoir un petit peu de ta grâce, quoi. Et puis partout, les femmes vont nous idolâtrer et tout. Et en Europe, il y a un espèce de phénomène inverse où les mecs idolâtrent, enfin les femmes, les mecs là, d'extrême gauche idolâtrent des sauvages, alors qu'ils peuvent, être appréciés pour leur différence. Enfin, c'est même plus que leur différence, c'est leur leur antinomisme, dans l'antinomisme qu'il y a entre eux et nous, tu vois, la différence radicale, quoi, l'opposition qu'il y a entre eux et nous, ça peut fasciner, tu vois. Mais de là à les accueillir comme ça en applaudissant, parce qu'il faut quand même voir les images, ils sont accueillants, libérateurs. Lisez la presse de 1944, de l'été 44, quand les Américains... Enfin, ça existe, c'est disponible. Hein. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de la consulter. Regardez, les types sont accueillis comme des libéraux. Mais ils nous libèrent de quoi? La question est là aussi. Du fascisme? Non, de la race blanche. Exactement. Comme, c'est-à-dire comme que les communistes, les marxistes, les socialistes applaudissent en disant « Vous nous libérez des blancs !» Mais dans l'inconscient... Vous nous libérez des blancs! Dans l'inconscient collectif, je pense que c'est ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est vous nous libérez du mental. En fait, vous nous libérez du cerveau. C'est-à-dire que de plus en plus, les Occidentaux ressentent que voient leur cerveau finalement comme la source de leur mal-être, puisqu'effectivement, étant dans une société multiculturelle, ultra névrosée, avec tous les problèmes qu'on connaît, effectivement, le mental ressasse. Les possibilités, les potentialités que l'actualité offre, et l'actualité offre des potentialités de merde. Donc le mental ne sert plus qu'à produire des soucis, à produire de l'angoisse, à produire de la merde. Donc finalement, aujourd'hui, l'Européen, c'est soit le nègre, soit la drogue, quoi. Il veut ne plus penser. Donc il se dit, la seule façon de plus penser, c'est soit de me droguer et d'avoir un cerveau qui n'est plus qu'un champ de ruines, soit de me négrifier, d'avoir le cerveau qui n'est plus qu'une cacahuète dans une noix de coco, quoi. Ou alors il se libère de la culpabilité que leur ont imposé ces gens-là. Vas-y, Hopman, autant pour moi. Non, excuse-moi, je disais, ou alors ils cherchent aussi à se libérer de ce qu'on appelle en anglais la white guilt, la culpabilité en fait des blancs vis-à-vis de l'histoire, et ils essayent de se donner bonne conscience. Les Européens ne sont plus, après 40-50 années de propagande intensive, à même d'assumer les différences qui nous ont amenés à être supérieur. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que lorsque ces pseudos antiracistes ressassent à longueur de temps qu'il nous faut aider les Africains ou d'autres populations à travers le monde, qu'il faut les hisser à notre niveau, c'est bien un aveu des capacités moindres de ces peuples-là à se hisser à un niveau de développement qui est le nôtre. Et ça, les Européens ne sont plus capables d'accepter ce fait-là. Et je crois que c'est ça aussi qui joue. C'est se donner bonne conscience à pas cher. Non, mais t'as totalement raison là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une part de propagande énorme pour que les négros soient devenus des espèces de dieux vivants en France, et que les gens se mettent à les toucher comme ça, à les tripoter. C'est hallucinant. Mais tout ça, cette propagande ne s'appuie pas, elle n'est pas créée ex nihilo, tu vois. Elle s'appuie, je te dis, sur un goût de, comme prononcé pour tout ce qui nous rappelle à l'animal, en fait. Tout ce qui nous rappelle à la non-pensée, quoi. On est fasciné par les animaux, on est fasciné par les noirs, et on est fasciné où on se drogue, où on s'alcoolise, où on s'envoie des antidépresseurs jusqu'à ne plus réfléchir. Ouais, il y a une volonté chez l'Européen d'anéantir son cerveau. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est plus dans la... En fait, on essaie de revenir à des stades antérieurs de conscience. Je suis assez d'accord avec ça. Alors, j'enchaîne, chers amis, parce que sur ces entrefaites, enfin, ces scènes de chaos, parce que Calais, ouais, c'est vrai que c'est des scènes incroyables, hein, des scènes apocalyptiques. On n'arrive pas à croire, enfin, moi, je vous le dis très honnêtement, un État moderne qui laisse quelque chose comme Calais se dérouler avec des préfets qui s'en amusent, ça n'existe pas. Ça n'existe tout simplement pas. La France l'a fait. La France l'a fait. La France socialiste l'a fait. Sur ces entrefaites, la presse d'État vous explique que vous n'avez pas le droit d'expliquer, de donner votre avis, parce que c'est une initiative qui a été prise sur France 3, Midi Pyrénées. Alors France 3, c'est une chaîne de télévision d'État qui a évidemment des ramifications régionales. Et c'est François Midi-Pyrénées qui a pris l'initiative de condamner les commentaires qui paraissaient sur Facebook sur sa page par rapport au reportage qu'il faisait en faveur de l'accueil des migrants en Midi-Pyrénées. Et voici ce que dit donc la télévision d'État sur sa page Facebook. Hein. Je l'avais pas détaillé, mais c'est la page Facebook. Alors, c'est signé de la part du rédacteur en chef, Fabrice Valéry. Certains de vos commentaires sur Facebook sur l'arrivée des migrants dans la région sont insupportables. La publication ce jeudi matin sur notre page Facebook d'une vidéo sur l'arrivée de Toulouse de migrants de Calais a déclenché un torrent de commentaires. Certains sont empreints d'humanité, mais beaucoup donnent la nausée. Nous avons décidé de réagir. Et dans son texte, Toto explique comment il va censurer joyeusement le contenu. Alors, avant de commencer, je donne, et je le prends sur moi, le numéro de téléphone de ce fils de pute de Fabrice Valéry, communiste de son état, qui sévit à France 3, Midi-Pyrénées, 06, camarade, 06, 08, 22, 26, 63, 06, 08, 22, 26, 63, camarade, compatriote, n'hésitez pas, allez-y, franchement, avec ce fils de chien, c'est tout ce qu'il mérite. Alors, cette crapule, donc, accuse le peuple français, la population française, de protester face à la tiers-mondisation de son environnement immédiat, face à sa dépossession. Moi, j'aimerais avoir votre opinion sur cette réaction des médias, qui est une réaction militante, et en plus, on ne parle pas d'un média privé, mais d'un média d'État. Réagissez. Alors, carte blanche. Je vais réagir et je vais faire un parallèle, en fait. Les populations blanches d'Europe sont en fait confrontés au même traitement que les policiers qui sont censés les protéger. Je m'explique. Les policiers en Europe, lorsqu'ils font usage de leur arme à feu pour se protéger en fait d'un danger, ou pour protéger des gens de quelqu'un de menaçant et de potentiellement létal, sont systématiquement mis en garde à vue. Et ensuite, ils étudient ce qui s'est passé. Bref. Si les événements là, récents, c'est quand même Cazeneuve qui félicite des policiers pour leur sang-froid, c'est-à-dire pour le fait de s'être laissé incendier dans leur véhicule de fonction par un cocktail Molotov, ainsi que d'autres cas où des policiers à Viry-Châtillon, ainsi que dans plein d'autres cas où des policiers se font maraver ou perdent un œil ou ci ou ça, et qui ne font rien. Quand ils font quelque chose, ce sont eux les méchants. D'accord ? Et là, ils se prennent éventuellement des sanctions à travers la gueule, des blâmes, blablabla. Et les populations européennes, c'est exactement la même chose en fait. Lorsque l'on va dans le sens du système, c'est-à-dire lorsque l'on applaudit les migrants, enfin les clandestins qui descendent des bus, lorsque l'on essaye d'aider, ces gens-là, lorsqu'on va véritablement aller dans le sens du système, dans ce programme de destruction des peuples européens, alors on nous donne des stickers, on nous donne des bons points, des images. Vous êtes des bons petits citoyens, des bons petits citoyens du monde, vous êtes des gens gentils. Et quand on le refuse, à ce moment-là, eh bien, ils ne peuvent pas, bien sûr, nous attaquer personnellement tant qu'on ne dépasse pas un certain niveau de notoriété publique, en fait. Là, je fais référence à ce William Meurice qui, lui, s'est pris des choses à travers la tronche. Mais... Explique ça. Alors William Meurice, c'est un mec qui a fait des vidéos là, sur Internet de 3 minutes, qui a un franc-parler populaire et qui a eu beaucoup de succès. Ses vidéos font plusieurs millions de vues en quelques heures. Il a fait une première vidéo sur le cas Najat Vallaud-Belkacem et sur le fait que sa fille en fait devait rendre une dissertation dans laquelle elle devait se positionner en fait vis-à-vis de l'accueil des clandestins, et donc c'était une façon déguisée de voir si ce que disaient les parents à la maison et voir si la fille avait bien compris la leçon. Et en fait, il a fait plusieurs millions de vues. Et là, récemment, par rapport à la grogne des flics, il a carrément appelé les citoyens français à descendre dans la rue et à s'attaquer aux responsables politiques. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a très vite eu les gendarmes sur le dos, perquisition au domicile du matériel informatique. Ils ont fait tout un tas de pressions sur lui. Et donc, comme ce monsieur est quand même papa et que c'est un ancien militaire et qu'il doit être dans la réserve, ils ont dû lui dire que bon, ben voilà, t'as une famille à gérer, mon gars, donc si tu veux pas que ta fille soit recueillie par les services sociaux, que ta femme te quitte et que toi tu te retrouves en prison, il va falloir te calmer. Donc là, malheureusement, William Meurice, il fait un peu en arrière, mais ça se comprend. Et donc en fait, ce que fait le journal, je reviens à France 3, hein, ce que fait France 3 et tous les autres, que ce soit Aquitaine, Bretagne, Midi-Pyrénées, n'importe où, c'est la même chose. Hein. C'est exactement ce que fait le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, avec les policiers. C'est-à-dire que lorsque les policiers se laissent buter par les diversités, les chances pour la France, ce sont des braves policiers qui font bien leur travail. Ouais, Quand ouais, ils ouais. ne le font pas, ce sont des fils de pute, des voilà. méchants, des fachos. Voilà, Quand ouais. les citoyens européens accueillent, donnent de leur temps, de leur personne, de l'argent pour accueillir ces clandestins qui vont nous remplacer racialement sur le long terme, ce sont les gens qui sont dans le camp du bien. Mais quand ils disent ce qu'ils pensent véritablement, quand ils disent nous refusons pour des raisons qui sont les nôtres, et c'est comme ça, et on a le droit de le penser, alors là, c'est le mal. T'as résumé les choses très bien, j'ajouterai rien de spécial là-dessus. C'est bien formulé. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette histoire? Oui, moi je veux bien. C'est aussi en fait la télévision d'État, la télévision de l'État soviétique français, qui est confrontée au pays réel. C'est-à-dire que dans leur reportage, ils vont faire un micro-trottoir sur l'arrivée de migrants dans un village. Ils vont sur 10 personnes, ils vont trouver 8 qui sont totalement contre, un qui sait pas trop, et une personne qui est pour l'accueil des migrants. Ils vont passer cette personne qui est pour l'accueil des migrants, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir transformer une pensée minoritaire en essayant de faire croire que c'est une pensée majoritaire. Et donc là, par contre, où ils sont très emmerdés sur Internet, comme pour les sondages qui sont faits par différents sites Internet de médias mainstream, la plupart, entre 80 et 90% des internautes sont contre l'accueil de migrants. Donc là, ils ont été confrontés, en fait, sur leur site Internet, en fait, à la réalité du pays, à la réalité de la réaction des Français, qui est de refuser cette invasion migratoire. Et donc, forcément, ils n'aiment pas ça, parce que eux, ils détestent, en fait, ce pays réel, cette France profonde. Ils sont très mauvais quand ils s'aperçoivent qu'en fait, leur reportage militant ne représente qu'entre 10 et 15% des Français, puisque n'importe qui autour de soi parle des clandestins, parle des migrants. La plupart des Français, pas forcément des gens qui votent FN, sont pour les foutre dehors. Voilà, ça c'est la réalité. On trouve très peu de gens, à part des étrangers, ou à part des gauchistes complètement tarés, qui veulent accueillir des migrants, évidemment les agents de l'État. Donc c'est sûr que ce type de commentaires populaires les dérange énormément. Donc de toute façon, c'est pas nouveau qu'ils censurent tous les commentaires qui ne vont pas dans le sens de la pensée unique, hein, sur tous les sites, toutes les pages Facebook des médias généralistes, mais là, il s'est senti obligé de préciser, parce que d'habitude, il ne le précise pas, que les prochains commentaires seront censurés, parce que ça ne va pas dans le cadre et de la pensée unique et de sa propre pensée à cet enfoiré de gauchiste. Le tout censuré par des Marocains, parce qu'ils sous-traitent évidemment ça dans des pôles informatiques au Maroc. Et ça, c'est bien de le souligner, Porovic. Effectivement, c'est-à-dire que tous ceux qui nous écoutent, vous savez, il y a plein de camarades qui nous écoutent, et puis il y a des gens qui nous écoutent avec simplement une oreille curieuse, quoi. Ils disent, voilà, moi j'ai envie de commenter un post, c'est une news qui est passée sur France 3, François Bourgogne, François Bretagne, François Aquitaine, qu'est-ce que vous voulez, quoi. Et je suis arrivé sur le truc, et puis je suis revenu 2 heures après, et mon post, bizarrement, avait disparu. Bah oui, chers amis. Je vous apprends un truc, et Porovic l'a souligné à raison, et c'est très bien de le rappeler, c'est que tout ça est sous-traité par ces grosses boîtes, parce que quand même, on est dans un état socialiste, enfin bon, il n'y a pas de petites économies, donc il faut quand même bien trouver des gens qui marnent pour pas trop cher. Et au Maroc, ces gens-là sont très, très, très, très, très, ils sont très enjoués à l'idée de nettoyer des commentaires des Français, de la population française qui aurait peut-être à mouvoir sur cette immigration musulmane illégale. Et on va y aller franchement à coup de serpe, quoi. C'est ce qui se passe. Et on a des déclarations complètement hallucinantes. Moi, sur France 3 Bretagne, moi, je l'ai vu. La page officielle de France 3 Bretagne, où on nous explique le plus calmement du monde que voilà, bon bah vos commentaires, on fait ce qu'on peut pour les canaliser, donc pour les censurer. Mais bon, nos prestataires de services au Maroc, les mecs font ce qu'ils peuvent, mais bon, ils ont du mal un petit peu à suivre, quoi. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que notre parole à nous est supervisée par des types qui sont au Maroc, qui évidemment ont un point de vue sur la question, et on peut se faire chanter nos opinions en moins de temps qu'il faut pour le dire, avec cette connivence entre France 3, qui sont tous des communistes, parce qu'on le sait, France 3 est cornaquée par les cocos et les socialistes, et l'État du Maroc qui doit tellement à la France en termes de relations bilatérales, notamment ce qui concerne la drogue et le shit. C'est terrifiant, quoi. Je veux dire, le peuple français, la population française est privée de sa liberté d'expression, est privée de son droit à dire simplement ce qu'elle ressent par des gens qui dans l'ombre, escamotent, truquent, achètent. C'est incroyable, c'est surréaliste. Je sais même plus quoi dire, tellement c'est choquant. Alors, je veux rebondir maintenant sur une, parce que. En fait, ça nous amène à réfléchir sur les médias, en fait. Bien évidemment, nous, on a une idée des médias, on a une idée très enfin, on a une faible opinion des médias, mais les gens, en général, ont une faible opinion des médias. Mais voici ce que j'ai trouvé, quoi, sur la une de l'Alsace, quotidien alsacien, quoi. En une, hein, récemment, des migrants qui sont accueillis donc dans une commune d'Alsace, et c'est écrit, voici ce qui s'est répit à Osmarheim, désolé, je parle pas alsacien, donc, pour des réfugiés, donc répit à Osmarheim pour des réfugiés, et ça c'est en grande page, quoi. Il y a une grande photo avec des nègres qui sont accueillis, et tout en haut, dans un petit encart, il y a marqué des milliers de SDF à la rue cet hiver. Donc en fait, quand vous lisez l'Alsace, ce quotidien alsacien, donc, les nègres sont accueillis, vous voyez une espèce de secrétaire mandaté par l'État pour accueillir toute cette bande de parasites. Voilà, tout se passe bien, c'est extraordinaire. Et tout en haut, vous découvrez en fait que tu vois, la population française, les Français qui sont en situation de fragilité, qui sont abandonnés, ou pour X raisons, qui sont en situation de précarité extrême, sont relégués tout en haut d'un quart de première page. Hallucinant, surréaliste. C'est en France en 2016, sous un gouvernement socialiste. J'en reviens pas, mais je le dis, je le vois, je ne mens pas, c'est sous mes yeux, incroyable. Votre réaction là-dessus, sur cet abandon des catégories les plus démunies de la population française, au profit de cette racaille, de ces parasites, de ces nègres? Il faut le dire, de ces nègres, de ces bougnoules qui sont privilégiés devant le Ouais, mais peuple. tu sais, déjà, le gros problème, c'est qu'en France, il y a encore beaucoup de bourgeois, tu vois. Et moi, j'invite tous ces bourgeois, je sais pas, à renouer un petit peu avec le catholicisme d'antan, qui était de parler quand on était soi-même un privilégié, au moins d'offrir un petit peu de son attention aux plus démunis. Ils verront qu'en France, il y a énormément, énormément de blancs qui ont des situations d'une précarité mais inouïe, que jamais ils pourraient imaginer. Il y a des enfants seuls, quoi. Il y a des enfants à 10 ans, ils déterminent déjà intégralement leur vie, hein. Ils n'ont plus de parents, tout ça. Et des blancs comme ça, il y en a plein, complètement délaissés, quoi. Plus personne n'en a rien à foutre, puis ils n'ont pas ce mode opératoire de victimaire, de chialer pour réclamer, tout ça. Donc ils sont complètement délaissés, quoi. Et après, on a tous ces enculés qui s'achètent d'une bonne conscience pour pas cher, là. Enfin, pour pas cher, si, ça va leur coûter cher, parce que ça va leur peser lourd sur la conscience, parce qu'ils le savent qu'il y a des blancs démunis, ils peuvent pas le nier, ils sont au pouvoir, ça leur remonte aux oreilles, quoi. Donc c'est de la trahison tout à fait consciente, quoi. Mais en tout cas, pour pas cher sur le plan financier, ça, ils font participer les bons cœurs européens, un petit peu bourgeois, qui sont pas au fait de cette réalité précaire chez les blancs, chez les gens qui leur ressemblent. Ils doivent penser qu'il n'y a que les migrants qui sont pauvres encore, chez pas mal de blancs. Donc ils donnent. Du coup, ces associations, tous ces maires ultra-gauchistes là, se font passer pour des bons samaritains avec le fruit de notre travail. Moi, j'en ai vu un insupportable à passer à côté d'Onfray, et Onfray lui pompait le nœud, là. Les deux étaient vraiment insupportables à se renifler le cul et à se lécher le cul mutuellement, là. C'était un 69 en direct. ils se nettoyaient les outils et leurs outils, à mon avis, ça fait un bail qu'ils leur ont pas servi à travailler parce que ça avait l'air de deux gros branleurs de salon et un espèce de maire, une caricature de gauchiste avec ses petites lunettes, sa petite mèche, sa petite bouille de mec sous cortisol là, il était absolument pitoyable. Tu voyais qu'il avait divorcé avec le sport quand en quatrième il s'était fait rétamer et le mec était avec onfray, cul et chemise, et il se gargarisait que d'avoir accueilli 50 immigrés dans une commune de 300 habitants ou 600 habitants, je sais plus, et que ça se passait très bien. C'est tellement immonde, quoi. C'est odieux parce que, et je vous invite à le regarder récemment sur la chaîne YouTube. C'est un type que je n'aime pas parce qu'il est incohérent, il forme beaucoup d'idées très très contradictoires. Mais sur cette histoire, en fait, à un moment donné, il est là en train de pontifier parce que ce type n'est jamais qu'un petit prof de gauche. Et quand on parle d'Onfray, il faut jamais perdre cette vue. Ce n'est jamais qu'un petit prof de gauche. Le type est là et on lui pose. Enfin, vous savez, il parle de. Ouais, alors les migrants et tout. Alors là, bon, évidemment, il est lancé, quoi. Et puis il y a un mec de Canal+, quoi. Je le salue au passage parce que je les déteste, mais pour une fois, il a fait son job. Il lui a dit. Mais et vous, est-ce que vous seriez prêt à l'accueillir chez vous? Et là, Onfray, c'est comme si on lui avait balancé un parpaing. En plein Tour de France, quoi. C'est-à-dire que le mec, il s'arrête et puis. Il s'arrête. Et... Ah, insupportable. Chez moi comment dire? Non, c'est une politique globale. Tu vois, le mec, il nage. Oui, mais je me couche tard. Et le mec, il balance le truc, il dit je me couche tard. Genre, tu vois. Ouais, il allait livrer, c'est à peine s'il allait nous livrer toute sa vie privée, histoire de faire fuir le migrant. Moi je suce des bites à 11h du soir. À ce moment-là, moi j'ai cru l'entendre péter. Non mais attends, le mec explique, je me couche tard. En fait, le type t'explique, non, j'ai un rythme biologique assez lent, bon, je me couche tard, tu vois. L'autre, forcément, le migrant, c'est un mec, il est à la rue, quoi, tu vois, il a rien pour lui, etc. Oui, mais attends, comprenez. Et c'est là que tu vois tout le mensonge, curton de gauche, professeur qui publie des bouquins. Et putain, tu vois ça. le grand cœur de l'extrême droite, enfin, ou des mecs de droite qualifiés d'extrême droite, souvent ils essayent de tendre la main, c'est-à-dire qu'ils essayent de sauver Onfray. On essaye toujours de sauver deux trois personnages comme ça qui sont clairement des ennemis, quoi. Le mec. Non, on n'a que les migrés à la bouche, que les migrants à la bouche, je veux dire. Et il ne pense qu'à eux, sa volonté, c'est l'international. Attends. Moi, je vais te dire, pour en finir avec Onfray, parce que, en fait, c'est un mec, en fait, il ne faut pas passer plus de 2 minutes là-dessus. C'est un type, sans broncher, le mec t'explique, je suis anarchiste, il passe à côté de Juppé sur Canal+, et il dit à côté de Juppé, moi, je serais plutôt quelqu'un qui voterait pour vous. Mais vous n'avez pas lu le Coran, quoi. Oh, putain, il lui fait le reproche, vous n'avez pas lu le Coran, donc c'est pas bien. Cet autisme radical. Non, mais c'est hallucinant, je veux dire, le mec est un anarchiste, il dit je vais voter Juppé, il défend la République, mais quand t'es un anarchiste, je veux dire, pour toi la République c'est le régime bourgeois par excellence, tu veux le renverser, quoi. Je veux dire, tu veux pas d'autorité, quelle qu'elle soit. Incroyable, c'est des fils de pute comme Onfray, tu vois, qui sont des incapables, des fumistes intellectuels, tu vois, qui par ailleurs, en termes d'histoire de la philosophie, peuvent être très compétents, il n'y a pas de problème, moi je le reconnais ça, il n'y a pas de souci, mais qui se piquent de prendre position politiquement dans le débat actuel et qui jouent le rôle des putains de cancres. Des cancres, c'est un cancre, Onfray. Dans le débat actuel, parce qu'il t'apporte aucune valeur ajoutée, quoi. C'est ça qui est terrifiant. Sur le plan hormonal, ce qui va pas avec ce mec, c'est qu'il a aucune testostérone. Or, pour comprendre la politique, qui est un art masculin par excellence, il faut avoir de la testostérone, puisque ça a été animé par la testostérone depuis la nuit des temps. Donc, quand tu n'en as pas, tu analyses la politique comme ça, comme un truc complètement. Tu ne peux rien y comprendre, tu comprends rien aux rapports de force, tu comprends rien aux rapports de domination, parce que lui-même, on sent qu'il n'a pas envie de dominer les autres. C'est une espèce de, je suis désolé de le dire, comme ça, mais c'est une espèce de fiat occidental, comme le dirait la chanson. Là. Ces mecs-là sont... C'est un putain de fonctionnaire, c'est les produits de la bourgeoisie totale. Je veux dire, c'est universitaire qui passe sa vie dans des écoles à bouquiner, qui est jamais sorti de sa salle, de sa bibliothèque. Mais c'est de la merde, et puis de toute façon, c'est de gauche. C'est de la merde. C'est quoi leur générosité aux gens de gauche? C'est aider les autres par les autres. Alors évidemment, le mec, on lui demande, vous en prenez un? Oh ben non, je me couche tard. Mais c'est ces connards, ils fileraient pas 2 euros à un clodo. On passe au truc suivant, mais c'est lié, évidemment, je ne baratine pas. Et on va conclure là-dessus, parce que finalement, en soi, c'est une forme de conclusion. Le communiqué du Grand Orient de France sur Calais. Alors, attention, hein. Vous êtes couché ou vous êtes debout, je ne sais pas. Bref. Calais. Bien accroché. Ouais, Calais. Après la jungle, la citoyenneté. Bah, ça fait jonction avec ce que disait Madame Rabin, ou Rabine, je ne sais même plus comment on les appelle. Notre devoir moral et civique nous enjoint à l'exercice immédiat et concret de la solidarité au nom de la fraternité, avec un F majuscule, et de l'humanité, de l'humanisme, avec un H majuscule. Désormais, pour les réfugiés qui souhaitent s'installer durablement en France, la seule voie qui convient est celle de l'intégration de la citoyenneté. Le Grand Orient de France encourage toutes les initiatives grâce auxquelles, demain, les réfugiés deviendront des citoyens à part entière, avec les droits et les devoirs qui s'appliquent à tous au sein de la communauté nationale. Je vous laisse réagir. Oui, finalement ça va toujours dans le même sens. Quoi. Que ce soit par le métissage, donc par la biologie, quoi, que ce soit par le remplacement de population et donc par la citoyenneté, c'est toujours le même truc. C'est-à-dire que ces gens-là, là, le Grand Orient de France... Les gouvernements de gauche et droite qui sont anti-blancs, bon, ils ont une conception de l'identité qui est complètement déconnectée de leur réalité biologique, en fait. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'il y a des incompréhensions, c'est-à-dire que le peuple est quand même majoritairement, encore, conscient, malgré les années de propagande, de ce qu'il est. Moi j'ai envie de dire franc-maçon en prison, quelque part. Bah, la GLNF est moins gauchiasse que ça, je crois, hein, il me semble. Le Grand Orient, c'est vraiment les pires. Attention. Moi, j'en ai rien à branler de la GLNF, tu vois. Moi, la Grand Orient de France, les coupeurs de tête de 1793, qui ont décapité la reine et le roi de France. Ah oui, oui. Aujourd'hui, oui. En 2016, quand il y a Calais, c'est-à-dire qu'il y a la négrification, la destruction objective de la France, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun idéal. Là, tu peux plus dire oui, mais vous comprenez, moi, mon idéal philosophique. Non, c'est-à-dire que c'est des bamboulas, des Afghans, du Pakistanais dans ta gueule. J'en ai rien à secouer de ce que t'en penses dans ta face, tu vois. Toi, tu dis et qu'est-ce que je fais si je suis contre? Bah, du coup, tu vois, tu fais partie du camp des méchants. Bah, si tu es contre, tu prends l'État, la toute puissance de l'État à travers la gueule, comme l'a très bien dit notre ami Manolo, quoi. Oui, mais moi, j'ai envie pas de dire, vous soyez quand même spécialement étonné de la réaction du Grand Orient de France. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont encore plus loin. C'est-à-dire qu'ils se sentent obligés de surenchérir. C'est-à-dire qu'il suffit pas de les accueillir, il suffit pas de régulariser leur situation. Il faut aussi en faire des citoyens français. C'est-à-dire qu'ils veulent, en fait, c'est une accélération administrative du grand remplacement, c'est-à-dire que le mec à peine arrivé de la brousse, quoi, qui est en train de squatter de l'île Calais, de devient de citoyen français, et surtout, je l'espère, futur électeur. Alors, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs qui le savent pas, le Grand Orient et la franc-maçonnerie est très très influente. Alors dans la politique, dans le Parti Socialiste, également Mélenchon, Alors, perds pas ton fil, Astérix, c'est intéressant ce que tu dis. Rappelons que François Hollande appartient au Grand Orient de France, Jean-Yves Le Drian appartient au Grand Orient de France, Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, appartient au Grand Orient de France, ah oui, tout le... Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, appartient au Grand Orient de France. Xavier Bertrand aussi appartient au Grand Orient de France. C'est pas GNLF, Xavier Bertrand. Non, le Géo. Mais lui, il change, il doit être pédé d'ailleurs. Mais enfin, fou, c'est des enfoirés de putains de francs-maçons, voilà, c'est tout. Oui, voilà, non, mais attends, je veux dire, la crapulerie, le cœur nucléaire, le cœur nucléaire de la chiasse révolutionnaire qui a détruit la France, c'est le Grand Orient de France. Je veux dire, il faut faire arrêter tous ces enculés qui appartiennent au Grand Orient de France. Et ces gens doivent répondre de leurs actes. Ce sont des criminels. T'as tout à fait raison, mais en gros, je voulais dire que le Grand Orient, c'est ce qui se faisait de pire dans la merde. C'est-à-dire que les francs-maçons, c'est de la merde révolutionnaire, progressiste, gauchiste, tout ça, tout ça. Sauf que les francs-maçons, ce sont le Grand Orient, ce sont les plus influents chez les magistrats, dans le Parti socialiste. D'ailleurs, ce qui est marrant, ça c'est un bon test à faire avec tous les dissidents cybernétiques, là. Ils sont toujours anti-francs-maçons, parce qu'ils ont vu qu'en gros les francs-maçons en ce moment ils sont en perte de vitesse, on peut leur taper dessus plus facilement que les autres, vu que ce sont des lâches, souvent ce sont des mecs un peu d'extrême gauche, ils aiment bien taper sur les francs-maçons, mais par contre dès qu'on en vient au sujet Mélenchon, ils oublient complètement leur franc-maçonnophobie. Et d'un seul coup, la franc-maçonnerie, tout va bien. Donc, c'est comme ça qu'on les piège, ces mecs-là, ces hypocrites, ces lâches. Ils ont tout le temps le mot franc-maçon Illuminati à la bouche. Et puis, quand vous parlez du bulletin de vote, ils vont tout de suite vous parler de Mélenchon. Donc là, l'hypocrisie est claire. Mais bon, la GNLF, c'est la loge maçonnique qui est plus influente dans l'armée, dans la police. Ça pue du cul, ça pue du cul, je suis désolé, il faut être franc du collier. Quand tu sers ton pays, quand tu sers ta foi, et moi je suis chrétien, je n'oblige pas tout le monde à l'être, tu bécartes sur table, tu dis voilà, moi je suis ça, toi t'es ça, c'est ta conviction, je la respecte, ou à tout le moins, je veux dire, je t'en ferai pas grief, mais ces gens-là sont des hypocrites, sont des salopards, ils veulent détruire le peuple français, ils veulent avilir, ils veulent rabaisser. Moi, je m'oppose à ça, je suis en totale opposition avec ça. Et en plus, on le sait, et en plus, ils s'en font gloire. Et c'est hallucinant, parce que finalement, dans toute l'histoire de France, pratiquement, je ne crois pas qu'on ait eu un leadership en France qui ait été aussi tenu par le Grand Orient. Attention, je veux préciser une chose. Je ne crois pas du tout que la maçonnerie tienne toutes les ficelles. Ça, je le dis tout de suite. Parce que je pense que l'être humain est tellement con, tellement corruptible, qu'il dépend de tellement de réseaux, de tellement de cercles d'influence, qu'il n'y en a pas un qui est privilégié par rapport aux autres. De toute Mais façon, la loge la plus puissante, c'est le Maïd Gandalf. Attends. Mais le fait est que Hollande, président de la République, c'est Géo. Manuel Valls, c'est Géo. Urvoise, c'est Géo. Le Drian, CGO. Cazeneuve, CGO. Et on peut continuer comme ça à un certain moment. C'est hallucinant, je veux dire. On n'a jamais vu une telle pénétration. Ces gens sont en train de... Serge Beketch avait une très belle formule pour qualifier les francs-maçons. Il les appelait les juifs de synthèse. Je crois qu'il avait tout résumé. Bah d'ailleurs, le Bnaï et Brit est la franc-maçonnerie la plus puissante. Et le Bnaï et Brit est une franc-maçonnerie exclusivement juive. Moi, je vous dis franchement... c'est pas que ça me dérange, mais je veux dire, on est tellement pourris, nous, à l'intérieur, qu'on a beaucoup de questions à se poser sur nous-mêmes. Bref, ce gouvernement socialiste est une crapulerie, c'est odieux tout ce qui se passe devant nous. De voir des images de Calais incendié, incroyable, je veux dire. Il y a même 20 ans en arrière, il y a même 10 ans, il y a même 5 ans, jamais personne n'y aurait cru. On aurait dit c'est une fumisterie de l'extrême droite, voilà, c'est en face de vous chers auditeurs. On n'invente rien et pour autant la propagande continuera à dérouler son torrent en disant que voilà, il y a des esprits mal intentionnés qui sont en train d'essayer de vous influencer. Croyez une seule chose, votre esprit critique, regardez les choses telles qu'elles sont, continuez cependant à nous écouter parce que le combat continue, chers amis. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. Franc-maçon hors de nos vies. C'est bon ça, c'est bien ça. Franc-maçon hors de nos vies. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch.